Cruise control, autopilot. Cruise control, autopilot. Cruise control, autopilot. Cruise control, autopilot, autopilot, autopilot, autopilot, autopilot, autopilot, autopilot, autopilot, autopilot. Autopilot, autopilot, autopilot, autopilot, autopilot.